camarades enfermés en Belgique. Que soit mise à bas les fondations de cette ignominie. Le combat rien continue. Continue. C'est avec nostalgie que nous nous remémorons nos faits d'armes. Oui, nos camarades. Nos fiers camarades. À Waffensturm. À R-Rasse. Nous vous déclarons notre éternelle reconnaissance. De continuer le combat.